la relativité générale fait de la résistance. Les premiers résultats de la mission Microscope prouvent, pour le moment, que le principe d'équivalence prévu par Einstein est respecté en micro-pesanteur. Les plantes pensent-elles ? De plus en plus d'études tentent à montrer que les végétaux ont une forme d'intelligence, de la prise de décision à l'apprentissage. Et enfin, notre mission impossible du vendredi sera sans merci. Vous comprendrez tout, absolument tout, à la topologie appliquée à la physique et à la matière exotique. Principe d'équivalence, intelligence végétale et matière exotique, c'est une partie des sujets qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et la fine équipe de vulgarisateurs hors pair, de scientifiques reconvertis et de kamikazes de la pédagogie scientifique est aujourd'hui composée de Mathilde Fontaise. Bonjour et bienvenue Mathilde. Bonjour. Chef de rubrique Sciences fondamentales chez notre partenaire chéri Science et Vie. Bonjour Sylvain Jimfeld-Guibaud. Bonjour. Voilà, vous avez troqué votre fouet d'Indiana Jones contre des microfilms qui se détruisent dans moins de 5 secondes pour le magazine La Recherche et le désormais docteur Carassou. Bonjour Sébastien. Bonjour Nicolas. Félicitations pour votre soutenance. Merci. Qui ne vous a manifestement pas empêché de continuer à produire des vidéos pour votre chaîne YouTube, le Sense of Wonder. Vous pouvez nous suivre comme d'habitude sur les ondes et sur notre chaîne Twitter @laméthodefc. Mais avant de retrouver cette fine équipe, elle est la Barbara Bain de la méthode scientifique, la Cinnamon Carter qui infiltre les laboratoires les mieux gardés pour nous livrer les toutes dernières informations scientifiques les plus confidentielles. Zoé Sfès, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. C'est le journal des sciences. Le journal des sciences. Et pour commencer, Google a annoncé en début de semaine que son intelligence artificielle AutoML a développé une autre intelligence artificielle plus performante que celle entraînée par des êtres humains, Zoé. Oui, puisque Google avait annoncé triomphalement il y a quelques mois déjà sur le blog de sa branche de recherche appliquée, Google Search, le lancement d'une intelligence artificielle, donc baptisée AutoML, chargée d'en créer d'autres et surtout de les entraîner grâce à la technique dite d'apprentissage par renforcement, c'est le fameux machine learning. AutoML qui a donc donné des sens, on l'a appris en début de semaine, à une autre IA baptisée NASNet, dont la mission est de pouvoir reconnaître en temps réel par le biais de la vidéo toute une multitude d'objets qui vont des voitures à des personnes, à de la signalisation routière, à des sacs à dos, etc. Les performances de NASNet, et c'est ça qui est intéressant, sont pour le moment meilleures que celles de toutes les autres intelligences artificielles entraînées par des scientifiques, des êtres humains. J'ai demandé à Jean-Jacques Eudin, chercheur en intelligence artificielle et directeur de l'Institut de l'Internet et du Multimédia, ce qu'il pensait de cette annonce. C'est à la fois nouveau et pas nouveau. Quand on est en face d'une application, on a toujours l'impression que l'IA est magique parce que ça apprend et ça va aboutir à la solution. Mais en fait, non, il y a des experts autour dont l'expérience pratique va permettre, dans la complexité des solutions possibles pour bâtir une architecture, souvent par itération d'ailleurs, et puis d'obtenir une architecture qui va avoir des bonnes performances. L'idée d'AutoML, eh bien, c'est d'utiliser un système artificiel, une intelligence artificielle, en l'occurrence, il utilise un réseau de neurones, pour effectuer ce travail, d'où le nom d'ailleurs auto-machine learning. L'ensemble de ces idées, elles préexistaient avant, le fait d'utiliser, par exemple, des systèmes d'apprentissage par renforcement, mais il y a d'autres, il cite d'ailleurs, d'autres travaux qui utilisent des algorithmes génétiques, donc une autre approche pour essayer de construire un système de façon automatique. Ce que ça va permettre, c'est d'accélérer encore une fois les expérimentations, parce que jusqu'à récemment encore, créer une architecture de réseau de neurones profonds, par exemple, pour une application donnée, elle était unique pour cette application. Là, ce que les travaux de Google permettent d'envisager, c'est de la réutilisation possible d'une application sur l'autre, de ce qui a fonctionné correctement dans d'autres applications. Voilà, et selon Jean-Jacques Eudin, si Google a réussi à obtenir de tels résultats, c'est notamment grâce à sa maîtrise des données. Oui, et d'ailleurs Google est très libéral sur ses recherches en la matière et présente d'ailleurs toujours en libre accès dans ses articles le modèle de l'architecture neuronale, en l'occurrence de NASNet. L'enjeu stratégique, évidemment, il n'est pas là. Alors, est-ce qu'on est entré dans une nouvelle ère où les IA pourront se produire elles-mêmes, se multiplier, sans plus jamais avoir recours à la main de l'homme? Évidemment non, répond très fermement Benjamin Bayard, le cofondateur de la Quadrature du Net, qui réfute d'ailleurs dans ce cas le terme d'intelligence artificielle, même si pour lui, de telles avancées chez Google posent évidemment d'autres questions. Google a produit une intelligence artificielle, c'est-à-dire un outil d'apprentissage statistique qui est capable de faire l'entraînement d'autres intelligences artificielles et de les entraîner du coup par milliers, par centaines de milliers, sur des millions d'itérations d'apprentissage. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. C'est probablement techniquement extrêmement intéressant, mais surtout, on n'a pas déplacé les problèmes fondamentaux. Le problème fondamental, par exemple, il réside dans la masse des données qu'on présente au programme pendant sa phase d'apprentissage. On veut entraîner un programme à reconnaître des visages. Si on ne lui présente que des visages d'hommes blancs, quand on va lui présenter un visage de femme, ou un visage noir, ou un visage asiatique, il va être perdu parce qu'il n'en a pas vu. Le biais statistique, il apparaît dans la masse de données qu'on présente. Le deuxième grand biais dans les masses de données, c'est la façon dont on les constitue. L'exemple type, c'est ce qu'on voit apparaître sur certains sites pour que vous prouviez que vous n'êtes pas un robot. On vous présente 16 images, il faut que vous preniez toutes celles où il y a un panneau de signalisation. À quoi ça sert ? Ça permet de fabriquer des bases de données d'images qui permettront d'entraîner les intelligences artificielles à reconnaître les panneaux de signalisation. Le fondement de l'intelligence artificielle, c'est donc d'extraire une information pertinente d'une intelligence humaine, puis de faire dessus des analyses statistiques poussées pour essayer de reproduire ça le moins mal possible. Il n'y a rien d'intelligent là-dedans. En bref, la Terre pourrait d'ici 2100 se réchauffer 15% de plus que la pire des prévisions du GIEC, Zoé. Les climatologues de l'Institut Carnegie de l'Université d'Oxford en Californie, de Stanford pardon, en Californie, qui publient cette semaine dans la revue Nature une étude dans laquelle ils indiquent que les prévisions les plus pessimistes du GIEC sont en vérité les plus probables selon eux, puisque l'étude, leur étude, introduit dans les modèles de prédiction existants des données liées à l'observation par satellite de l'énergie solaire absorbée ou renvoyée par la Terre. Étude qui conclut que le réchauffement le plus probable est d'environ 0,5 degrés Celsius, plus important que ce que suggère le modèle brut du GIEC. Nous savons qui parmi les animaux vivants est notre plus vieil ancêtre. C'est nous descendons tous de l'éponge. Et tout à fait, l'éponge de mer. Les chercheurs de l'université de Bristol ont recouru à des techniques statistiques de pointe, Posterior Predictive Analysis, c'est le nom de ce modèle, pour tester la validité des modèles sur l'évolution des organismes couramment utilisés en phylogénétique pour étudier l'évolution des premiers animaux. Et donc, dans une étude publiée dans Current Biology, ils expliquent que les meilleurs modèles favorisent les éponges de mer pour être à la base de l'arbre généalogique de tous les animaux de la Terre et non les cténophores, comme le pensaient certains chercheurs. C'était l'autre alternative possible. Deuxième sujet cette semaine, des chercheurs de l'INSERM ont réussi avec l'université d'Harvard à créer des objets en 3D d'un niveau de sophistication jamais obtenu puisque ces objets sont créés au niveau nanoscopique, Zoé. Et ce, grâce aux quatre bases de l'ADN A, T, C et G. En 2012 déjà, l'université d'Harvard avait développé une technologie pour créer des objets à l'échelle nanoscopique capables de s'auto-assembler, de se replier à la manière des briques de Lego. D'ailleurs, Lego, la marque Lego, a un copyright sur cette technique. Gaëtan Bello, c'est un chercheur français à l'INSERM. Il est le co-auteur de l'étude publiée cette semaine dans Nature. Et il explique comment lui et son équipe ont considérablement développé cette technique et surtout sa complexité dans le but d'obtenir des objets capables d'opérer à l'échelle de la cellule humaine. L'objectif du domaine, c'est de faire des outils à l'échelle du nanomètre. Donc dans l'ADN, il y a quatre unités, il y a quatre bases, A, G, C et T. Donc on peut l'imaginer que c'est une molécule d'ADN, c'est un peu comme un collier de perles avec ses quatre couleurs. Et donc ce code de couleurs forme une seule brique. Et on peut programmer ces briques pour trouver des partenaires. Jusqu'en 2012, on était capable de faire des nanostructures avec certaines des fonctions. Mais l'objectif, nous, c'est d'augmenter la diversité des briques de Lego pour faire des objets plus complexes. C'est comme si on prend un jeu de Lego. On a un baril de Lego au début. En 2012, on avait 1000 briques. Mais aujourd'hui, on arrive, avec cette nouvelle méthode, à faire des barils de Lego de 30 000 briques. La première étude utilisait des briques d'ADN qui faisaient 30 de base. Nous, dans ce nouveau design, on a ajusté des programmes qui permettent de concevoir ces nanostructures pour pouvoir designer des séquences d'ADN qui font 52 bases. Avec 52 bases, on peut augmenter la diversité de séquences et donc on peut augmenter les possibilités d'assembler des briques entre elles. En bref, le premier bébé américain issu d'une greffe d'utérus est né. Ce bébé né à Dallas d'une mère à qui on avait greffé l'utérus d'une infirmière de 36 ans est bien issu des gamètes de ses parents. Il arrive 3 ans après la toute première naissance issue d'une transplantation d'utérus. C'était en Suède, elle avait eu en 2014. Et c'est la même médecin qui a opéré dans les deux cas. Il y a eu 7 transplantations d'utérus et 4 naissances de ce type qui ont déjà eu lieu. Cette 5e naissance confirme donc les bons résultats de cette procédure. Une équipe de chercheurs français parvient à créer l'équivalent d'un trou de verre. Ces chercheurs de l'Institut PP Prime de Poitiers ont matérialisé l'équivalent hydrodynamique d'un trou de verre, objet, ou plutôt, on va dire tunnel hypothétique prédit par la relativité générale d'Einstein qui constituerait un raccourci à travers l'espace-temps. L'expérience n'a été possible à réaliser que dans une piscine en associant 2 zones et en modifiant les vitesses d'écoulement au-dessus d'un obstacle qui était situé dans un canal hydraulique. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre séquence de science improbable, cette saison, on a retrouvé un os du Père Noël, Zoé. On aime l'esprit de Noël ici, parce qu'on avait déjà parlé des effets néfastes des chants de Noël sur votre mental, rappelez-vous. Nous tenions justement à vous communiquer une autre information qui est tout à fait sérieuse, elle aussi. On a peut-être retrouvé un os du Père Noël, ou plutôt en fait de celui qui est à la base du personnage, j'ai nommé Saint Nicolas, qui vécut au 4e siècle de notre ère et qui fut évêque de Myre dans l'actuelle Turquie, et dont les reliques supposées ont fait l'objet d'un culte énorme, dès sa mort, et qui ont voyagé absolument partout en Europe au cours des siècles. Elles sont complètement dispersées à travers tout le continent européen. Des archéologues de l'université d'Oxford ont examiné un des os supposés appartenir à Nicolas, précieusement gardé à Lyon, dans le sud de la France, et la datation au carbone de ce fragment indique que l'homme auquel il a appartenu a bien vécu au 4e siècle après Jésus-Christ, ce qui correspond bien à l'époque de où Saint Nicolas est mort, vers 343 après Jésus-Christ. Alors, est-ce que c'est bien un os, un bout de fémur du Saint ou du Père Noël, c'est difficile à dire, mais en tout cas c'est suffisamment rare que ça colle en matière de temps quand on examine des reliques pour être noté. Et contrairement au papier que vous me tendez avec insistance, je n'imiterai pas le Père Noël, Zoé. Je vous pourtant, remercie. Dieu sait si vous le faites si bien, Nicolas. On vous retrouve la semaine prochaine pour le Journal des Sciences. Je me retourne vers mes invités du jour, Sébastien Carajsou, Sylvain Guilbeault, Mathilde Fontaise. Est-ce qu'il y a un sujet qui vous fait réagir, peut-être Sylvain, sur cette notion d'intelligence artificielle qui produit d'autres intelligences artificielles plus complexes? Est-ce qu'on en fait un peu trop? Est-ce qu'il y a une sorte d'angoisse entretenue d'ailleurs par certains grands noms, par exemple Stephen Hawking, autour de l'intelligence artificielle qui nous échapperait? C'est vrai, on en fait souvent beaucoup sur l'intelligence artificielle. Je crois que dans le reportage c'était bien dit, est-ce que faut vraiment appeler ça intelligence? Parfois on en doute. Après c'est vrai que scientifiquement il y a des progrès qui sont vraiment intéressants là, le fait que on programme de nouvelles machines qui elles-mêmes entraînent de nouvelles machines. Bon, à la base il y a toujours des humains qui programment ces machines, donc on n'est pas encore dans un univers où les machines, et je pense qu'on en est vraiment très très loin, mais après c'est intéressant, et notamment là on parlait de cette nouvelle, mais Google DeepMind a aussi publié cette semaine un nouveau programme d'échecs. Et d'échecs, et pas que d'échecs de Go, c'est-à-dire qu'on lui donne seulement les règles du jeu, et tout seul, donc apprentissage par renforcement, en jouant contre lui-même, il est capable en quelques heures seulement de dépasser les meilleurs programmes d'échecs à l'heure actuelle. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement ça dépasse en performance les meilleurs programmes d'échecs, mais en plus ça fonctionne de manière un peu différente, même un peu plus intuitif, qui se rapproche un peu plus de la façon dont les humains jouent aux échecs, c'est-à-dire à la fois le côté stratégique à long terme et le côté tactique à court terme. Et ça, c'est intéressant non seulement d'un point de vue intelligence artificielle, mais ça pourrait aussi nous apprendre des choses sur le jeu d'échecs lui-même. Sébastien Carajsou, Mathilde Fontaise, sur le Journal des Sciences, sur cette nouvelle sur l'intelligence artificielle ou sur d'autres éléments, Mathilde? Au sujet de l'intelligence artificielle, oui, pour poursuivre, l'enjeu devient maintenant, avec la complexification de ces réseaux de neurones et les décisions qui sont amenées à prendre dans le cadre, par exemple, de la conduite autonome ou d'autres fonctions comme ça qu'ils peuvent exercer, c'est de comprendre un peu comment ils prennent leurs décisions, et c'est vraiment l'enjeu scientifique actuellement. On en parlait dans un dossier qu'on a fait récemment dans Science et Vie, où on mettait en valeur justement cette nouvelle thématique de recherche qui est massivement investi, notamment par les États-Unis. L'armée américaine a développé, je crois, 13 programmes de recherche qui sont intitulés intelligence artificielle explicite. Toute la difficulté, tout le travail maintenant, ça va être de comprendre finement, comme l'expliquait l'un des interlocuteurs que vous avez eu dans la chronique, hein, on voit vraiment qu'il y a des difficultés à comprendre quels sont les biais lors de ces prises de décision, et comment est-ce qu'une intelligence artificielle va pouvoir vraiment fonctionner et donner ses résultats. Et c'est ce qui montre aussi qu'on est bien loin d'une intelligence sans contrôle humain, en fait, hein. On a vraiment besoin de l'homme pour ces applications. Sébastien ? Alors moi, je voulais plus rebondir sur l'annonce des chercheurs californiens sur le réchauffement climatique, que je trouve d'autant plus ironique que la Californie est en feu en ce moment même. Mm-hmm. Donc ça montre bien que l'urgence, elle est réelle. Et je trouve qu'on a une capacité quand même incroyable à réagir collectivement quand on est face à une urgence. Je pense notamment à la grosse victoire qu'on a eue contre le trou dans la couche d'ozone. Par contre, on a un gros syndrome de Cassandre quand il s'agit de prévoir sur le long terme. Donc à partir de quand est-ce qu'on pourrait profiter de cette capacité incroyable qu'on a à réagir face à l'urgence ? Ça sera quoi notre point seuil ? Je ne sais pas, je pose la question. Ce débat, plus 0,5, plus 2, plus 3, plus 4 degrés, est-ce qu'il est vraiment important de le trancher ? Est-ce que ça participe vraiment à la prise de conscience collective, à votre avis, Mathilde ? Ça a indéniablement un impact on peut se dire un impact d'autant plus fort qu'on voit bien que les connaissances s'accumulent de plus en plus pour le réchauffement climatique et qu'il y a quand même une espèce d'énorme différence entre cette quantité énorme d'un côté d'informations scientifiques qui ont été recueillies et de l'autre des discours politiques qui peuvent être complètement à l'opposé. Et donc on voit bien qu'un chiffre, un chiffre simple, ça peut permettre éventuellement de pouvoir communiquer ou de pouvoir essayer de faire... Donc il est important ce chiffre. Ça fait plusieurs études en tout cas où on se rend compte que de toute façon... Tous les modèles tendent à montrer qu'on est de toute façon plutôt vers dans le haut des prévisions, si ce n'est au-delà des prévisions, Sylvain. Oui, effectivement, les modèles sont plus ou moins confirmés. Alors, c'est vrai qu'il y a différentes classes, on ne peut pas prédire exactement combien ça va être. On est sûr que ça va augmenter. Et pour revenir sur le chiffre, c'est vrai, c'est un peu comme quand on fixe 50 km/h en ville pour le code de la route. C'est un chiffre, on aurait pu décider d'une autre valeur, mais à un moment, politiquement, il faut aussi se fixer un objectif pour montrer clairement qu'on a besoin de résoudre un problème. Zoé. Ce que fait cette étude, plus au-delà, évidemment, c'est le chiffre qui alpague, on va dire, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle dit qu'au moins la fourchette basse des prévisions du GIEC, elle ne se prononce pas exactement sur les fourchettes hautes, mais que la fourchette basse, pour elle, est complètement caduque, déjà. Donc que cette fourchette basse n'existe pas. On n'est pas sur des chiffres très précis, mais on est sur des données, effectivement, plus ça va... plus c'est complexe. La fourchette basse, c'est 1,5 degré ou 2 degrés. Exactement. Avant la fin du siècle, c'est ça? Voilà. Donc on est au moins à 2 degrés, selon cette étude. Un mot aussi, peut-être, je sais que c'est votre dada, Sylvain, sur cette expérience d'hydrodynamique. Quel intérêt, en fait, de recréer en hydrodynamique un trou de verre, un pont d'Einstein-Rosen? Qu'est-ce que ça vous intéressait? De recréer ou de créer, parce qu'en fait, ces trous de verre, c'est des objets complètement hypothétiques. On n'est pas du tout sûr que ça existe. Non, c'est intéressant dans le sens où, alors, quel est à ce point, l'analogie, jusqu'où peut aller à l'analogie entre ces expériences de laboratoire en hydrodynamique et ce que serait ou pourrait être un trou de ver dans l'univers. Je crois qu'on n'est pas encore capable de dire vraiment précisément la limite, mais c'est un domaine intéressant. Il y avait déjà eu des travaux depuis quelques années, notamment l'année dernière, pour reproduire des trous noirs avec, alors, il y avait des méthodes hydrodynamiques, mais aussi avec des condensats de Bose-Einstein pour faire l'analogue d'un rayonnement de Hawking. Là encore, on se demandait quelles étaient les limites entre ce que pourrait être un vrai rayonnement émis par un trou noir. Mais c'est un nouveau domaine qu'on peut appeler gravité analogue et qui est en train de se développer et qui passe d'un stade théorique. On se dit, si on pouvait imiter des trous noirs en laboratoire, et maintenant on commence à pouvoir le faire, à suivre. Sébastien, ça vous intéresse, vous, le docteur en astrophysique? Je pense pas qu'on reproduira un trou de verre dans notre bidet demain. Ça, il y a aucune chance, je pense. Par contre, c'est vraiment intéressant et c'est vrai qu'on a déjà fait des expériences comme ça avec des trous noirs, aussi avec des trous blancs, qui sont l'inverse des trous noirs. Rien là, ne peut en entrer. Donc c'est la même équipe qui a fait... La même équipe l'avait fait en 2006, un trou noir et un trou blanc. D'accord. Et donc il y a quand même eu 10 ans entre les deux. D'accord. Donc ce qui pourrait être intéressant avec ce genre d'expérience, c'est que ce genre d'expérience puisse nous fournir des nouvelles prédictions sur ces modèles de trous de ver, au cas où, s'ils existent ou pas. Ça peut être juste un jeu théorique et c'est très joli en soi. Mathilde ? Oui, c'est très joli. En plus, pour les trous noirs, si je me souviens bien, le rayonnement de Hawking, ça a été... pour les scientifiques qui travaillent eux-mêmes sur le rayonnement de Hawking, qui est ce petit rayonnement minuscule qui a lieu au niveau de la frontière du trou noir, en fait, et qui a été... L'horizon des événements. Voilà. ça a quand même permis d'affirmer l'existence de ce rayonnement, qui est une prédiction théorique qui est bien comprise par tous, mais ça a été un événement quand même pour les astrophysiciens de voir ce rayonnement recréé en laboratoire. Et puis pour en revenir aux trous de ver qui sont ces espèces de bizarreries, c'est un truc de SF, le trou de ver. C'est une prédiction d'Einstein, sauf que donc de la théorie d'Einstein, mais en fait ça a une importance énorme en théorie pour les chercheurs qui travaillent actuellement sur la gravité quantique. C'est pas du tout un objet qui est mis de côté ou qui est là juste pour faire rire, c'est un objet qui est étudié sérieusement, et donc pour ses propriétés on le rapproche de vous savez cette propriétés étranges quantiques, l'intrication quantique. Mm-hmm. Et voilà, il y a des chercheurs qui en ce moment travaillent vraiment sur le concept. Donc voilà, donc je pense que c'est pas du tout, c'est une bizarrerie, mais qui pourrait avoir des retentissements dans l'avenir. Et on va reparler de gravité, de gravitation quantique dans quelques secondes. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Il est 16h20 sur France Culture et c'est peu dire que les premiers résultats de la mission Microscope étaient attendus avec fébrilité par la communauté des physiciens et pour cause, hein, ce que teste ce satellite, c'est le principe d'équivalence prévu par la théorie de la relativité d'Einstein. Or si ce principe d'équivalence était mis à mal, c'est toute la théorie de la gravitation qui chancelle avec et la porte ouverte à l'unification des quatre forces fondamentales. Or pour le moment, Sébastien, la relativité générale fait de la résistance. Eh ben oui. On est un petit peu mal parti, disons. Donc, il faut peut-être rappeler un petit peu tout ce que c'est que le principe d'équivalence. Ce que ça implique. Mmh. Donc, tout ça part d'une question très simple. Hein. Qu'est-ce qui tombe plus vite? Est-ce que c'est une plume ou une boule de pétanque? Et donc, si vous avez bien révisé vos cours de physique, vous me répondrez. Les deux tombent à la même vitesse. C'est la plume qui tombe après, parce qu'elle est ralentie par les frottements de l'air. Par contre, si vous faites la même expérience dans un tube à vide, elles vont tomber en même temps. Donc cette expérience, elle n'est pas nouvelle. Donc selon la légende, il y a 4 siècles, Galilée aurait fait l'une des premières expériences scientifiques en montant au sommet de la tour de Pise et en lançant 2 boules de masse différentes. Et à la surprise générale, les 2 boules seraient tombées en même temps. Donc jusqu'à présent, on pensait comme Aristote que les objets les plus lourds tombaient plus vite que les objets légers. Mais cette expérience a conduit Galilée à énoncer l'un des plus grands principes de la physique aujourd'hui, qui est l'universalité de la chute libre. Donc, quelle que soit la masse d'un objet, il va tomber au sol avec la même accélération. Donc, cette histoire, elle est probablement une fable de vulgarisation, hein, inventée par l'étudiant de Galilée, mais le principe qu'il énonce, il reste valide dans des conditions idéales. Donc, 80 ans plus tard, on a Newton qui arrive sur scène et qui a lui-même réalisé des tests beaucoup plus précis de cette observation. Pour ça, il a utilisé 2 pendules avec des masses différentes. Avec des boules de matériaux différents. Et il a constaté que les 2 pendules battaient au même rythme. Donc il a formalisé mathématiquement ces 3 lois qui régissent le mouvement, les lois de Newton. Et donc Nicolas, si vous pensez y avoir une masse, vous en avez 2 selon Newton. Vous avez une masse inertielle qui est associée à la tendance qu'ont les choses qui sont en mouvement à rester en mouvement, ce qu'on a une propriété qu'on appelle l'inertie. Et donc plus un objet a une grosse masse inertielle, plus il résiste à une modification de son mouvement. C'est pour ça que c'est facile de taper dans un ballon, mais essayer de taper dans un lave-linge, c'est plus difficile. Et vous avez aussi une masse grave, c'est la masse qui est associée à la gravitation, à la tendance qu'ont les corps massifs à s'attirer entre eux, et ce d'autant plus fort que leur masse grave, elle est grande. Donc ces deux notions de masse sont très différentes, elles apparaissent dans des contextes très différents, et elles n'ont aucune raison d'avoir a priori la même valeur. Et le principe d'équivalence, c'est précisément que la masse grave égale la masse inertielle, et ça c'est Einstein qui le formule. Absolument, alors Einstein il a aussi réfléchi à ce principe d'équivalence, mais dans des termes différents, et donc il a fait une expérience de pensée. Donc imaginez quand vous vous placez dans une boîte fermée avec aucun indice sur l'endroit où vous êtes. Et donc, il vous prend envie de vous demander, est-ce que vous êtes toujours sur Terre ou est-ce que vous êtes dans l'espace, dans une fusée qui accélère continuellement dans une direction au même rythme que l'accélération de pesanteur terrestre. Alors, dans les 2 cas, vous êtes collé au sol de la même manière. Votre poids, il est identique. Si vous lancez une balle par terre, elle va retomber de la même manière dans les 2 cas. Et pourtant, vous imaginez bien que les 2 contextes sont radicalement différents. Et bien, le principe d'équivalence, selon Einstein, c'est de dire qu'à moins d'ouvrir la boîte, il n'existe aucun moyen de savoir, aucune expérience de physique qui vous permettrait de déterminer si oui ou non vous êtes sur Terre ou dans la fusée qui l'accélère. Donc pour Einstein, la gravité et l'accélération sont 2 faces d'une même pièce. Et en conséquence, on peut parfaitement affirmer, sans écorcher la gravité, que si on se sent attiré par la Terre, c'est parce que c'est le sol qui accélère vers le haut. Et c'est pour ça que la chute libre est universelle. Et donc ça, c'est une idée très profonde. Einstein disait que c'était l'idée la plus heureuse de sa vie. Et donc ce principe d'équivalence entre la gravité et l'accélération, c'est une hypothèse, mais c'est une hypothèse qui est à la base de la relativité générale d'Einstein. Et c'est l'expérience qui doit confirmer ou non la validité de ce principe. Et elle a été, il y a des expériences, il y en a un certain nombre qui ont été faites, et on est même arrivé en 2008 jusqu'à un niveau de précision, un niveau de précision très très très fin. On arrivait à 10^-13 dans des expériences, mais des expériences sur Terre, Sébastien. Absolument. Et donc l'avantage de Microscope, qui, comme son nom ne l'indique pas, est un satellite du CNES. Donc ça, c'est la dernière expérience en date pour tester le principe d'équivalence. Donc on a balancé ce satellite à 700 km d'altitude, et dans ce satellite, on a placé des cylindres dans un cocon de protection qui sont fixés par des forces électrostatiques. Donc Donc vous avez une masse de titane et une masse de platine, qui sont de masses très différentes. Et on va placer ces cylindres en chute libre, ce qui va modifier les forces électrostatiques qui maintiennent ces cylindres. Et donc si pendant la chute libre, la même force s'applique sur les cylindres lourds et le cylindre léger, alors le principe d'équivalence est toujours vérifié. Et donc le cylindre de platine va tomber en même temps que le cylindre de titane. Et parce qu'il est dans l'espace, microscope, il est moins soumis à des forces parasites que les expériences sur Terre. Et donc il est 100 fois plus précis que les dernières mesures réalisées avec ce qu'on appelle des pendules à torsion. Et donc on parle d'une précision de 10 puissance moins 15, 15 chiffres après la virgule, ce qui correspond à peu près au rapport de la masse d'une mouche sur la masse d'un supertanker. Donc, pourquoi c'était important d'arriver à ce niveau de précision, c'est-à-dire de gagner 100 degrés de précision par rapport aux expériences faites sur Terre? C'est le problème, c'est que les physiciens, ils ont un petit souci, c'est qu'on a deux théories principales qui nous amènent à comprendre le monde qui nous entoure. Donc du côté de l'infiniment grand, on a la relativité générale qui nous permet de comprendre le mouvement des planètes, des étoiles, des galaxies. Du côté de l'infiniment petit, on a la mécanique quantique qui nous permet de comprendre comment fonctionnent les atomes et les molécules. Et le souci, c'est que ces deux théories, elles sont incompatibles entre elles. Les deux formalismes mathématiques ne sont pas conciliables. Mais on ne sait pas encore vraiment ce qui cloche, parce que les deux théories sont juste incroyablement puissantes, et la plupart des observations aujourd'hui confirme les prédictions respectives de ces deux théories. Et donc on a pas mal de tentatives pour tenter d'unifier la relativité générale et la mécanique quantique, c'est un peu le graal de la physique aujourd'hui, et l'une de ces tentatives c'est la théorie des cordes. Et cette théorie des cordes, elle prévoit une violation du principe d'équivalence. Donc si on trouve à partir d'un moment que le principe d'équivalence est violé, ça ne mettra pas Einstein à la poubelle, loin de là. Par contre, ça voudra dire que la relativité générale est incomplète à une certaine échelle, et qu'on a besoin de nouveaux concepts pour penser la gravité à ces échelles. Donc pour l'instant, Microscope a trouvé que ce n'était pas encore le cas. Et évidemment, on ne peut pas prédire à partir de quel niveau de précision le principe d'équivalence va être violé, ou s'il va être violé tout court. C'est l'expérimentation qui va le déterminer. Donc on attend tous avec un gros frémissement d'impatience des expériences qui vont aller encore plus loin avec des précisions de 16, 17, voire 18 chiffres après la virgule, ce que prévoit une future expérience américaine qui s'appelle STEP, avec l'espoir cette fois que la violation du principe d'équivalence fera naître de la nouvelle physique. Et en attendant, la théorie de la relativité générale résiste encore et toujours à l'envahisseur. Parce que là, ce sont les premiers résultats de Microscope, mais il va continuer à y avoir un certain nombre d'expériences. La mission Microscope n'est pas terminée encore. Tout à fait, il n'y a que 10% des données qui ont été traitées jusqu'à présent. La mission Microscope, elle est prévue pour durer deux ans à peu près. Et donc, elle va aussi servir à plusieurs autres applications, comme caractériser l'atmosphère de la Terre à haute altitude. Il y a encore de l'air résiduel à 700 km d'altitude. Et donc, grâce au freinage par friction du satellite avec l'air résiduel, on va pouvoir étudier cette atmosphère, ou encore le champ de gravité terrestre. D'autres questions, si d'aventure sur la suite des expériences, que ce soit sur Microscope ou les prochaines expériences que vous notez, STEP, on trouvait une légère différence, donc à 10 puissance moins 16, moins 17, moins 18, qu'est-ce que ça signifierait exactement? Quelles seraient les portes ouvertes si d'aventure il y avait une vraie différence? Alors il y a des portes ouvertes théoriques qui viennent notamment de la théorie des cordes, en tout cas qui sont associées à la théorie des cordes. On a en France le physicien Thibaud d'Amour qui a postulé l'existence d'une particule qui s'appelle le dilaton et qui serait faiblement couplée à la matière aujourd'hui, mais qui aurait été beaucoup plus couplée au début de l'histoire de l'univers. Et si on trouve cette violation du principe d'équivalence, ça donnerait des indices vers la détection probable de cette particule hypothétique. Thibaud d'Amour, qui sera notre invité d'ailleurs dans la dernière semaine de l'année, qui est une semaine consacrée aux grands explorateurs de notre présent. On recevra Thibaud d'Amour, Sabrina Krief, Hélène Courtois, l'écrivain de science-fiction Norman Spinrad, Jean-Gabriel Ganassia. Voilà, vous avez le programme complet de nos grands explorateurs de la fin de l'année. Un mot peut-être, Sylvain, sur le... On a l'impression, en fait, ce n'est pas qu'une impression, que la théorie des cordes a été tombée un peu en désuétude ces dernières années, que face à notre théorie d'unification qui est la gravitation quantique à boucle, la théorie des cordes s'était un peu ringardisée. Manifestement, pas tant que ça. C'est vrai que la théorie des cordes a eu un grand, grand boom, ça a été une grande mode, on peut le dire, mais c'est vrai que finalement, on n'en sait toujours rien. Ça ne veut pas dire que, même si cette mode est peut-être un peu passée dans les médias ou parmi certains scientifiques, ça ne veut pas dire que la théorie est toujours là, donc l'hypothèse subsiste. Après, sur le principe d'équivalence, ça reste très intéressant jusqu'à présent, du coup, Einstein a toujours raison sur ce point. Mais du coup, on peut se demander, en étant un peu malicieux, si ça vaut vraiment le coup de faire ce genre d'expérience pour tester toujours plus loin le principe d'équivalence, vu qu'il est si bien vérifié jusque-là. Je pense que quand même, ça vaut toujours le coup en science de vérifier, ne serait-ce que parce que même si la probabilité qu'il soit violé est qui est très ridiculement faible. Ça serait tellement fort, la découverte serait tellement forte si c'était le cas, que le jeu en vaut la chandelle. Mathilde. Oui, parce qu'en plus, il n'y a pas tant que ça d'autres pistes par lesquelles les physiciens peuvent aujourd'hui essayer d'explorer cette gravité quantique qu'ils essaient de trouver désespérément. Et que ce soit la théorie des cordes ou la gravitation quantique à boucle, qui pour moi reste quand même un challenger, est toujours resté un challenger. La théorie des cordes est toujours restée la théorie dominante, on va dire, la théorie du tout dominante. Et on voit que ces deux thématiques sont un peu en train de régresser en ce moment parce que justement, toutes les découvertes sont négatives, que ce soit donc l'expérience microscope récente, mais aussi au CERN, où il a quand même été, tout le monde a quand même beaucoup espéré découvrir des particules qui devaient prouver la supersymétrie, qui elle-même est une émanation de la théorie des cordes. Il y a un lien aussi avec la physique des particules, et pour l'instant, le modèle standard de physique des particules, qui pourtant, on le sait, est incomplet, la théorie d'Einstein, qui pourtant, on le sait, est incompatible avec la physique quantique, il n'y a absolument aucune petite fenêtre par lesquelles les physiciens pourraient s'engouffrer pour essayer de trancher entre leurs hypothétiques théories du tout. Donc il faut tout essayer. Je pense que c'est ce qu'ils se disent. Sylvain, sur cette résistance absolue, parce que c'est vrai que la théorie des cordes, ça fait 20 ans qu'on fait des calculs et que ces calculs tournent en rond. La gravitation quantique à boucle, on a cru à un moment donné, on s'est dit, ah mais finalement, effectivement, peut-être que c'est plus séduisant, on abandonne les dimensions repliées. Les 11 dimensions supplémentaires, pardon. Voilà. La difficulté de ces théories spéculatives, c'est qu'à un moment, il faut faire des prédictions et se confronter à la réalité du monde matériel. Mais justement, c'est des pistes qui commencent à être explorées. Alors, les gens qui plaident plutôt pour la gravité quantique à boucle disent, regardez, il y a plus de chances d'observer des effets qui pourraient être dus à nos hypothèses dans le rayonnement fossile ou autre. Mais bon, on en est quand même un peu loin pour avoir des éléments tangibles. La méthode scientifique, Nicolas Martin. My house is made of flowers. The warm winds carpet the floor. Whenever there's spring showers, I open a rainbow door. The frog, the toad, the turtle, all make fireflies fly neath my dome. I've never had money and I'll never need none. The moon is my lamp and my clock is the sun. My home's a home for all. If I were you. parce que Barbara Streisand, ça fait toujours un peu de bien en hiver. House of Flowers sur France Culture. Qui l'eût cru à 16h34, puisque nous allons parler précisément du pouvoir des fleurs. Tout de suite, il ne leur manque que la parole, ou presque, hein, puisque de plus en plus d'études s'intéressent à la cognition végétale, parce que oui, les plantes pensent à leur façon, pas à la façon des animaux, hein, puisqu'elles n'ont pas de système nerveux, mais grâce à divers systèmes, notamment hormonaux, qui leur permettent de prendre des décisions, d'apprendre, de communiquer. Bref, elles pensent, c'est la couverture et le dossier du numéro de décembre de Science et Vie, Mathilde. Oui, oui, oui, c'est un peu la naissance d'un nouveau domaine. Hein. On avait traité ce sujet il y a 5 ans déjà, et à l'époque on n'avait pas osé utiliser, et les chercheurs eux-mêmes ne le faisaient pas, les termes d'intelligence, de cognition, de neurobiologie des plantes. Et on s'est aperçu en fait que les choses avaient vraiment complètement changé ces dernières années, parce qu'il y a eu des expériences en fait qui ont montré que les plantes avaient été capables de certaines capacités qui peuvent être proches en fait de celles qu'on peut avoir avec nous, notre cerveau. Donc bien sûr, il ne s'agit pas elles n'ont pas de cerveau, mm-hmm. elles n'ont pas d'organes, elles n'ont pas de système nerveux, elles n'ont pas d'organes donc centralisés, hein, qui serait analogue à un cerveau. Donc elles, mais on se rend compte qu'en fait, dans toutes leurs cellules, l'information est quand même traitée, hein, elle est quand même traitée, stockée. Elles sont capables d'agir sur l'information mm-hmm. qu'elles peuvent capter de leur milieu extérieur et puis de s'en servir pour pouvoir réagir. Et ce sont 3 expériences particulièrement qui ont permis de montrer ça. Donc la première, c'est... Peut-être avant, ouais. Mathilde, je vous interromps, désolé, mais avant de se lancer dans ces expériences, peut-être qu'il faut faire attention à ce qu'on entend précisément par le mot intelligence, parce que c'est de l'intelligence très réactionnelle, c'est-à-dire que il faut se méfier, encore une fois, même en cognition animale, on se méfie déjà de ce mot intelligence. Oui, donc encore plus pour les végétaux. Tout à fait, mais après, c'est pour prendre le contrepoint aussi de cette idée au départ que les plantes étaient complètement végétatives, hein, pour s'amuser avec le mot. Cette prise de conscience que les plantes vont pouvoir être capables, par exemple, d'interagir avec leurs voisins. Tous les végétaux, par principe, n'ont pas de mouvement ou très peu de mouvement, sauf quelques exceptions. Donc il s'agit d'une intelligence sans mouvement, mais qui peut permettre, par exemple, de percevoir l'environnement, diriger une pousse, déclencher une germination. Et on s'aperçoit que ces réactions sont en fait motivées par des informations complexes qui sont traitées par la plante de manière complexe et qui sont ensuite par des processus qui peuvent être des processus assez complexes. Alors justement, allez-y, je reprenez votre premier exemple qui est assez passionnant. Oui, voilà. Alors les 3 exemples pour les présenter d'abord d'une manière un peu globale, il s'agit de 3 exemples. Le premier, c'est une preuve d'une capacité de prise de décision par une plante. Un autre exemple, c'est trait à la mémoire, et le troisième à l'apprentissage. Et ces trois mots que sont la prise de décision, de mémoire, la mémoire et l'apprentissage sont vraiment considérés comme un peu le socle de ce qu'on pourrait appeler une sorte d'intelligence, hein, même s'il s'agit toujours pareil d'une intelligence différente de la nôtre. Donc la première, la prise de décision, ce sont des chercheurs qui ont étudié une plante qui s'appelle l'arabette des dames, qui est une plante classique de laboratoire. Et en fait, les chercheurs ont été plutôt malins, puisque la première difficulté quand on étudie l'intelligence des plantes, hein, quand on cherche à savoir comment elles motivent leurs réactions, on se demande bien où chercher, puisque pour l'homme, pour étudier l'intelligence humaine, il suffit de regarder le cerveau. Hein. Donc là, où est-ce qu'on regarde ? Et donc les chercheurs se sont dit habilement qu'ils allaient prendre une graine, comme ça au moins tout est au même endroit, et ils ont pu regarder. Et donc leur problématique, c'est de savoir comment est-ce que la graine va pouvoir prendre la décision de germer ou non, en fonction de la température extérieure qu'elle va pouvoir mesurer. Ils se sont aperçus qu'en fait, il y avait un dialogue hormonal très complexe qui permettait à la plante de faire, donc au niveau des cellules, hein, des cellules mm-hmm. elles-mêmes de la plante, qui vont en fait déclencher deux hormones qui vont s'inhiber l'une l'autre, et c'est ce combat hormonal en fait qui a lieu à l'intérieur de la graine, qui permet à la plante non seulement de percevoir d'une manière assez fine la température et l'évolution de la température, mais aussi par exemple de la percevoir sur la durée, de s'apercevoir de la fin de l'hiver, en tout cas de distinguer la fin de l'hiver d'une simple période de redoux au cœur de l'hiver, et donc de déclencher la germination au bon moment. Ça c'est le premier exemple, et effectivement, ouais. C'est cette notion de durée et de perception du temps d'une certaine façon. C'est-à-dire de dire que voilà, si juste pendant deux jours la température augmente un peu, ça ne veut pas dire qu'il faut déclencher, que les réponses hormonales vont être immédiatement redéclenchées, désinhibées. Il faut vraiment que ça se produise. Il faut que ça se produise sur le temps, et c'est vraiment une cette expression de débat a été faite par l'un des chercheurs qui a mené cette étude, et c'est vraiment le cas, un débat hormonal, quoi. On a vraiment un débat au niveau des cellules pour pouvoir prendre après une décision au niveau de la globale de la plante, une décision complexe. Et ce qui a un peu un lien avec le deuxième exemple, hein, qui est aussi l'étude de la rabette des dames, hein, c'est au sujet de la mémoire, où là on a des chercheurs ont étudié parce qu'on observe chez les plantes qu'elles sont capables de fleurir que si elles ne se souviennent du passage de l'hiver. Elles fleurissent au redoux, mais elles fleurissent aussi si elles ont en mémoire, en fait, le passage de l'hiver. Et donc des chercheurs ont étudié les mécanismes qui permettent cette prise de décision, et se sont aperçus qu'en fait il y avait une modification chimique autour carrément d'un gène dans chaque cellule, pour avoir, donc en gros, dans chaque cellule il y a un gène qui change en fonction de la baisse de température durable. Mmh. Et donc s'il s'agit d'un changement binaire, un peu comme un interrupteur, hein, dans un ordinateur, au niveau de chaque cellule, sauf que d'une manière générale, d'une manière globale au sein de la plante, du coup, on a forcément une perception très fine, puisqu'il faut ajouter toutes ces cellules elles-mêmes qui, de manière globale, collective, vont pouvoir avoir lu la sensation, la mémoire de ce passage de l'hiver. Et puis la dernière expérience qui est sans doute la plus étonnante, il s'agit de chercheurs qui se sont intéressés aux petits pois et qui leur ont fait subir le test de Pavlov. Les petits pois apprennent, voilà. Alors ce test de Pavlov, tout le monde le connaît, hein, c'est un test qui a été réalisé au début du XXe siècle, et donc il s'agissait de faire sonner une cloche avant de donner à manger à des chiens, et puis ensuite on habituait les chiens à ce processus, et puis finalement on s'apercevait que les chiens se mettaient à saliver, même quand il n'y avait pas de nourriture, simplement en entendant la cloche. Et donc là, les chercheurs ont fait la même chose, non pas avec des cloches, puisqu'on n'a pas encore prouvé que les plantes avaient vraiment l'ouïe, encore oui. Paraît que quand même, elles ont la musique peut avoir une influence sur leur pousse. Tout à fait, il y a une étude récente qui vient de montrer que pour des aubergines, je crois, ou des courgettes. C'est une étude plutôt controversée, mais par ailleurs, il y a eu quand même des liens. Mais non, les chercheurs n'ont pas utilisé la musique, ils ont utilisé tout simplement un peu de vent, en fait. Ils ont fait bouger l'air du côté où devait venir ensuite la lumière. Donc ils ont en gros donné un petit coup de vent d'un côté et ensuite éclairé la plante toujours du même côté. Et puis ils ont reproduit cette expérience plusieurs fois, et donc ils se sont aperçus que d'une manière tout à fait normale, quand la lumière apparaît, la plante va générer des hormones de croissance, hein, du côté de la lumière, pour pouvoir pousser du côté de la lumière, ce qui est quand même sa survie. Ils se sont aperçus qu'en fait, au fil du temps, la plante avait appris et que finalement, elle déclenchait ses hormones de croissance seulement lorsqu'ils envoyaient la petite pichenette de vent du bon côté. Donc la plante était capable, ils se sont aperçus comme ça, que la plante était capable d'apprendre et de mémoriser l'information. Et on se rend compte, hein, il y a aussi une illustration, un diagramme qui est assez bien fait, et ça fait un certain temps d'ailleurs que l'on s'en rend compte, et puis d'ailleurs, si le sujet vous intéresse, je vous suggère de podcaster les matins de Guillaume Erner, hein, qui recevait en deuxième partie Peter Wolben, qui a écrit notamment La vie secrète des arbres, qui est l'un des livres qui postule précisément justement cette intelligence végétale. On voit bien que aujourd'hui, une forêt est un écosystème complexe dans lequel les plantes, les différentes essences communiquent entre elles, peuvent se prévenir notamment d'un danger ou d'un prédateur. Enfin, qu'il y a vraiment un système d'interaction beaucoup plus fin et beaucoup plus complexe que ce qu'on imaginait jusqu'à présent, Mathilde. Oui, tout à fait. Il y a l'un des exemples les plus touchants, c'est peut-être cet exemple des arbres qui, par leurs racines, vont s'aider mutuellement, et par exemple des arbres anciens qui vont pouvoir aider à donner de la nourriture aux arbres qui sont les plus jeunes et donc qui ont moins accès à la lumière et qui donc ont moins accès à la photosynthèse. Il y a effectivement des relations complexes à la fois entre les plantes d'une même espèce, mais aussi entre les différentes espèces, et une symbiose un peu comme on le voit. Mais c'est vrai qu'il y a ce livre qui est paru, et nous, ce qu'on a observé aussi, c'est qu'il y avait vraiment ce mouvement un peu profond, hein, dans la communauté des chercheurs pour s'apercevoir et pour considérer cette thématique de la cognition, végétale, mm-hmm. comme une vraie thématique scientifique, et ça a été un vrai changement majeur. On se rappelle on a contacté Francis Allais, qui était un grand botaniste, hein, qui il y a quelques années, pour lui en parler, et lui il était très réfractaire à cette appellation intelligence, et il nous disait qu'il fallait pas du tout utiliser ces termes, et il a déclaré maintenant qu'il avait changé d'avis à la lecture des dernières publications sur le sujet. Alors bien sûr, il s'agit d'une intelligence différente. Sébastien. Francis Allais, qui était d'ailleurs le narrateur d'un fantastique documentaire que je recommande vraiment, qui s'appelle Il était une forêt, de Luc Jacquet, qui parle beaucoup d'intelligence végétale et que j'ai beaucoup apprécié, donc que je conseille à tous. On va mettre le lien sur le fil Twitter, et par ailleurs, cette notion de la cognition végétale ou de l'intelligence végétale, encore une fois, peut-être qu'il faut inventer une autre terminologie, ce sera l'un des sujets des futurs forums auxquels la méthode scientifique participera à la Sorbonne en début d'année 2018. On vous en reparlera. En tout cas, voilà, dossier passionnant à lire dans Science et Vie. Elle pense, révélation sur l'intelligence des plantes qu'on vous suggère. Moi, j'aime beaucoup aussi l'histoire des acacias qui, quand ils se font grignoter par un herbivore, se communiquent entre eux et pour se concentrer en tanin et devenir désagréable à la mastication. Bref, voilà, les plantes communiquent et réagissent au danger. Mais maintenant, un autre danger. Nous l'avions quitté, Indiana Jones, Sylvain Guilbeault relève encore la barre de ses défis de vulgarisation. Après les noyaux d'atomes super lourds en 10 minutes, après l'inflation de l'univers en 11 minutes 30, aujourd'hui sa mission, s'il l'accepte, est de nous faire comprendre en une dizaine de minutes comment la topologie bouleverse la physique. Comme d'habitude, Sylvain, si vous-même ou un membre de votre équipe était amené à être capturé ou tué, le département d'État n'irait avoir eu connaissance de vos agissements. Bon courage. Oui, merci beaucoup Nicolas. Je crois que j'accepte quand même. C'est vrai qu'au début de l'émission, on parlait de sujets de physique fondamentaux vachement intéressants, la relativité générale, les trous noirs, les trous de ver, la théorie des cordes éventuellement, une théorie qui unifierait le tout. Avec ce numéro dans le magazine La Recherche, on voulait aussi montrer qu'il y a des choses surprenantes et intéressantes qui se passent en physique des matériaux, hein, en physique très matérialiste, hein, revenons au concret. Mais ça ne veut pas dire que concret ne veut pas forcément dire simple, et c'est pas forcément le contraire d'abstrait non plus. Vous allez voir que ça utilise des outils conceptuels qui sont parfois abstraits, comme la topologie. Mais alors déjà, pour prendre un peu de recul, c'est vrai que ce qui est fascinant avec les matériaux, c'est qu'au fond, il en existe une grande diversité, que ce soit dans leur nature, platine, du diamant ou du carbone, etc. Mais au fond, tous ces matériaux sont constitués des mêmes composants élémentaires, qui sont des protons, des électrons, des neutrons. Et finalement, c'est vrai qu'il y a une approche de la physique des particules, de la physique dont on parle régulièrement à votre antenne notamment, c'est celle de la physique des particules, c'est-à-dire on cherche à comprendre le monde qui nous entoure en décrivant les constituants élémentaires, les briques de base, les interactions entre ces constituants élémentaires qui créent le monde. Mais c'est pas la seule approche qu'ont les physiciens, et notamment celle de la matière condensée. Alors quand les physiciens disent matière condensée, ils parlent en fait des matériaux dans lesquels les particules sont présentes par millions, par milliards, c'est-à-dire énormément de particules mises ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est quand un très grand nombre de particules sont mises ensemble, c'est qu'il émerge des propriétés collectives, dues aux interactions notamment. Et en fait, il se trouve que ces propriétés collectives, on ne peut pas les décrire en prenant les propriétés individuelles de chacune des particules, c'est beaucoup trop compliqué. Et ce qui fait que cette physique émergente possède des propriétés façonnantes et très, très diverses. Donc ça, c'est une seconde approche de la physique de la matière condensée qu'on a voulu mettre un peu plus en évidence dans notre magazine. Et c'est ce que disait un physicien américain, il disait « more is different ». C'était Philip Anderson qui disait ça. Plus on met de particules ensemble, plus il se produit des effets différents qui sont plus que la somme des propriétés individuelles des particules. Et notamment, c'est ce qui... par exemple, quand on parle des états des matériaux, on connaît tous l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. Le plasma. Voilà, par exemple. Et on connaît le condensat de Mosenstein grâce à la méthode scientifique, puisqu'on a consacré une émission dont on va vous mettre le lien sur le Twitter. Absolument, encore il y a la superfluidité, cette propriété des fluides qui perdent complètement toute résistance à l'écoulement à des très basses températures. Tout ça, ce sont des états différents de la matière. Les les physiciens aiment bien unifier, on en discutait, ils aiment bien essayer de trouver une théorie du tout. Et en matière condensée, ils aiment bien unifier. Alors, notamment, en ce qui concerne comprendre ces transitions de phase, c'est-à-dire ces changements d'état, passer de l'état solide à l'état gazeux, passer d'un état fluide à un état superfluide. Et pour ça, ils ont trouvé un concept très abstrait, mais très pratique, c'est le concept de symétrie. Pour décrire un changement d'état de l'état solide, de l'état, par exemple, gazeux à l'état solide, ben, on parle de symétrie. Vous prenez un gaz, par exemple. Imaginez un gaz. Vous avez plein de petites molécules qui volent dans tous les sens. Si vous regardez une molécule en particulier et que vous regardez en haut, à gauche ou à droite ou en bas, eh ben, vous allez tomber sur une autre molécule de ce matériau. Le gaz est un matériau vraiment très symétrique. Il y a des molécules partout. En revanche, dès qu'on passe, vous passez dans un solide, en abaissant sa température pour le solidifier, eh ben, là, pour le coup, si vous regardez en haut, bah, vous n'aurez pas forcément trouvé une molécule, alors que si vous regardez juste à côté, il y aura une molécule, elles seront organisées. C'est-à-dire que le matériau va perdre de sa symétrie pour gagner de l'ordre. Mmh. Et ça, ces notions de symétrie et d'ordre, ce sont les concepts qu'ont utilisé les physiciens depuis longtemps pour comprendre toutes les transitions de phase. La transition qu'on connaît bien pour lorsqu'un glaçon fond dans votre verre, mais aussi la transition pour passer d'un gaz d'atome à un condensat de Bose-Einstein. Alors les symétries sont pas les mêmes, hein. Pour parler d'une transition d'un glaçon au gaz, là on parle de symétrie entre atomes géométriques qu'on arrive à visualiser. Dans le cas d'un condensat de Bose-Einstein, c'est des objets plus abstraits sur lesquels on applique des symétries. Ce sont des phases de ces ensembles les phases des états quantiques de ces ensembles de molécules. Mais c'est le même, en une onde, mais c'est ce même concept de symétrie que les physiciens utilisent pour décrire toute cette gamme de phénomènes. Mmh. Et ça, c'était avant. Ça, c'était avant. Voilà, ça, c'était résumé. Et maintenant, La topologie arrive depuis plusieurs dizaines d'années. Peut-être qu'il faut préciser tout de même que ce qui est intéressant dans le rapprochement de ces deux disciplines, c'est que ce sont deux disciplines très différentes. La topologie est issue des mathématiques. Voilà. La physique des matériaux est au contraire une physique extrêmement concrète que vous venez de décrire brillamment. Prenons la topologie. Imaginez que vous aviez une sphère en pâte à modeler. Cette sphère, vous voyez, c'est un objet très symétrique. En fait, vous pouvez la tourner dans tous les sens, elle aura exactement le même aspect pour vous. Maintenant, c'est en pâte à modeler, vous pouvez la transformer en cube. Facilement, vous donnez quelques coups et vous en faites un cube. Ce cube a moins de symétrie que la sphère. Il faut le tourner de 90 degrés pour retrouver une face du cube. Par contre, donc c'est un objet différent d'un point de vue de la symétrie, mais topologiquement, on dit que c'est le même objet, tout simplement parce que vous pouvez le déformer très facilement pour en refaire une sphère, ou pour en faire un cylindre, ou pour en faire n'importe quel objet qui soit constitué d'un seul tenant. D'un seul bloc. Voilà, la topologie va décrire une propriété globale d'un objet. L'autre exemple qu'on prend en général, c'est la tasse à café et le donut. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où il y a un trou à l'intérieur, tant qu'on ne casse pas le trou, ça reste le même objet topologique. Absolument. Et par exemple, en revanche, pour passer d'une sphère à un donut, là, c'est un objet topologique différent puisqu'il faut créer un trou dans la sphère. Ça demande de l'énergie et ça a une importance considérable. Donc, c'est un objet topologique différent. Mais en tout cas, voilà, les physiciens se sont rendus compte que cet outil permettait d'une part de décrire des nouvelles transitions de phase à deux dimensions qui étaient pas possibles de décrire avec le concept de symétrie. Et finalement, ils se sont rendus compte que ce nouvel outil, finalement, c'est comme lorsque vous changez de point de vue sur quelque chose, finalement, vous découvrez des nouvelles facettes des choses. Et avec ce nouvel outil, la topologie, les physiciens ont découvert des nouvelles facettes de matériaux que pour certains, ils connaissaient parfaitement. Alors, c'est souvent des matériaux semi-conducteurs. Oui, c'est souvent autour de la conductivité. Voilà, ça a permis de montrer des propriétés qu'on n'imaginait pas dans des matériaux. En particulier, donc, des propriétés qui concernaient le transport des électrons, la conduction des électrons. Et notamment, c'est le phénomène très intéressant des isolants topologiques. Donc, c'est des matériaux qui conduisent l'électricité uniquement sur leur bord. Et pas au centre. Au centre, ce sont des isolants. Sur leur bord, ce sont des conducteurs. Et des conducteurs assez particuliers, puisque l'électricité se conduit sans diffusion. Les électrons ne circulent que dans un seul sens. Et en plus, ce sens dépend de leur spin, c'est-à-dire une autre propriété des électrons. C'est vraiment quelque chose de très surprenant, parce que vraiment, il n'y a pas le matériau est de même nature, qu'il soit au centre ou au bord. Ce sont les mêmes atomes. Ce sont les mêmes liaisons entre les atomes. Mais pourtant, les propriétés physiques sont différentes. Et l'origine de ces propriétés physiques différentes vient de la topologie. Alors là, on ne parle pas de sphères ou de donuts concrets qu'on peut palper avec les mains, mais ce sont des propriétés topologiques, là encore, des états quantiques des électrons dans ces bandes, dans ces matériaux. Avant de vous poser une question sur les applications, parce que il y a évidemment en bout de cours sur cette recherche fondamentale de topologie en physique des applications envisagées à terme, il faut préciser que ces recherches en topologie des matériaux exotiques ont été récompensées par un prix Nobel l'année dernière en 2016. Hein. Oui, absolument. C'était le prix Nobel de David Tolles, Michael Kosterlitz et Duncan Aldan l'année dernière, qui a vraiment mis en valeur ce domaine qui a vraiment donc. Les premiers travaux datent des années 70 sur cette transition de phase due à la topologie. Puis après, il y a eu quelques résultats dans les années 80. Mais c'est surtout depuis le milieu des années 2000, avec les îlots topologiques dont je viens de vous parler, la découverte que finalement il pouvait y avoir des applications vraiment concrètes de ces matériaux. Et aujourd'hui, c'est un domaine où régulièrement, presque tous les mois, on voit paraître des articles sur ce sujet. Et donc, quelques idées d'application pour rendre cette recherche fondamentale un peu concrète pour nos auditeurs, Sylvain. Oui, c'est des applications qui restent fondamentales, mais qui... Tout à l'heure, je parlais du spin de ces électrons. Justement, les électrons, pour l'instant, c'est la base de toute l'électronique moderne, mais pour l'instant, on utilise principalement leur charge électrique. Le fait que les électrons sont chargés négativement, et en manipulant ces charges, on peut réaliser des opérations. Mais si on a accès au spin, cette seconde propriété des électrons, et qu'on peut manipuler, notamment si ces spins peuvent être dirigés dans des directions différentes dans des matériaux comme les isolants topologiques. Ce qui va conduire l'électricité. L'électricité, tout à fait. Voilà, ça peut... Les propriétés magnétiques. Ça peut ouvrir des applications. Alors, il n'y a pas encore c'est pas encore à l'échelle industrielle, mais pourquoi pas. Et il y a aussi des propriétés très intéressantes, quand on dit la topologie, pour percer une sphère et en faire un donut, c'est-à-dire pour changer de classe topologique, ça demande beaucoup d'énergie. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une propriété topologique, elle reste très stable. Très stable, oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la protection topologique. Ça peut être particulièrement intéressant dans des états très exotiques, qui s'appellent des fermions de Majorana, qu'on commence à mettre en évidence dans les matériaux. Et puisque ces fermions sont très stables, on peut imaginer coder des propriétés quantiques dedans, pour faire éventuellement de l'information quantique, qui serait résistante au cours du temps. Sébastien Carassou, vous avez révisé votre topologie physique. Alors j'ai appris plein de choses dans l'intervention de ce genre, je précise quand même. Mais je voulais pointer sur une autre application potentielle de ce genre de découverte, c'est de faire des matériaux, des composants qui dégageraient beaucoup moins de chaleur, parce que c'est ces électrons qui ne vont que dans un seul sens, qui vont privilégier certaines directions, donc sont moins sujets à la diffusion et donc moins sujets au chauffage thermique, tout simplement. Et il y a quand même de nombreuses applications informatiques derrière, quoi. Donc si vous voulez en savoir plus sur ces isolants topologiques ou sur cette recherche topologique appliquée à la physique, c'est dans le numéro. Vraiment un dossier extrêmement passionnant sur les fermions de Majorana. On n'a pas parlé des skirmions, mais vous apprendrez tout sur les skirmions dans ce numéro et de ce dossier spécial de la recherche qui est effectivement assez passionnant. On arrive au terme de cette émission. Très rapidement, peut-être une information dont on n'a pas parlé, autre chose, un rendez-vous, quelque chose à suivre de près. Mathilde. Nous, on attend, enfin moi en particulier, puisque je m'occupe en particulier de l'astrophysique, j'attends les résultats de la sonde Cassini qui s'est crachée dans Saturne, hein, qui a terminé sa vie en septembre dernier et qui a pris un tas de mesures de l'atmosphère de Saturne en chutant et des anneaux en passant. Et les résultats auraient dû être publiés en novembre et on est en décembre et ils arrivent pas. Alors je scrute, j'attends, ça bruisse, la communauté bruisse de petits résultats et ça devrait être très intéressant pour comprendre l'intérieur de la géante, comment elle bouge, comment les anneaux se sont formés, etc. Et on va vous renvoyer vers l'émission que nous avions consacrée précisément à Cassini et à Saturne sur le fil Twitter de l'émission. Sébastien ? Alors moi, je voulais pointer vers une consultation publique sur l'intelligence artificielle qui a été lancée par Cédric Villani il y a quelques jours. Donc le but, c'est de déterminer la place de la France dans le développement du secteur de l'intelligence artificielle. On en parlait au début de l'émission. Et pour s'assurer que ce développement, il soit éthique, écologique et qu'il n'augmente pas les inégalités. Donc les citoyens ont jusqu'au 6 janvier pour participer au débat citoyen. Et donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Et on va vous mettre là aussi le lien sur le fil Twitter. Sylvain, en quelques mots. Oui. Oui, je voulais rappeler qu'il y a une super exposition au Muséum d'Histoire Naturelle en ce moment sur les météorites. Vous en avez parlé. On en a fait une émission, tout à fait. Et on en parle aussi dans le magazine avec un article sur les météorites de fer qui seraient les témoins de la naissance de la Terre. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Mathilde Fontaise, Science et Vie, Elle Pense, dossier consacré aux révélations sur l'intelligence des plantes. Sylvain Guilbeault, la recherche, la topologie bouleverse la physique, les promesses de la matière exotique. Sébastien Carassou, vous avez plusieurs vidéos en cours. Alors, prochain épisode d'ici fin décembre, ce sera la fin de notre docu-fiction sur le voyage voyage interstellaire. Dans The Sense of Wonder. Dans The Sense of Wonder, je voulais pointer l'existence d'une nouvelle chaîne YouTube, Zeste de Science, qui est réalisée par le CNRS, absolument, sur lesquelles j'ai coécrit un épisode sur les simulations cosmologiques. Tout à fait, sans oublier String Theory, auquel vous participez régulièrement. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Noémie Naguette-Saint-Ville, Francine Lausanne, Hugo Bartholomé, Antoine Beauchamp, Eve Etienne, Elisabeth Miro à la réalisation, Pierrick Monsigny à la technique, Elisabeth Gornescotto au droit d'auteur.